Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente. Malgré la crise de la COVID-19, notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et... On va parler de la Ligue GMS. On ne sait pas du tout où ça s'en va avec la Ligue GMS. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir du hockey cet automne? On parle avec le président Danny Larouche. Salut, Danny. Salut, Danny. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Danny, écoute, la Ligue GMS... On a vu toutes sortes de propositions de Hockey Québec et ainsi de suite. Le 3 contre 3 est envisagé. Je sais que tu as eu une appel conférence samedi. Où est-ce que ça, pour la Ligue GMS? Est-ce qu'il va y avoir du hockey cet automne? Ben, nous, pour commencer, on a fait notre RGA samedi. Okay. Soit par appel conférence ou Zoom ou sur place. Pour finaliser la saison qui vient de se terminer 2019-2020. Donc, ça s'est super bien passé. C'est sûr qu'à l'ordre du point, nous autres, à chaque année, on a un point qui est la prochaine saison. Fait que ouais. Là, maintenant, on avait Pascal Bouchard de la Fédération qui était sur place. Comme Ligue, nous autres, on ne sait vraiment pas c'est le néant ou ce qu'on s'en va, c'est quoi. Que... Les propositions ont été faites par Hockey Québec à la ministre Charest. Ouais. Pour comment ça peut se il y a plusieurs des scénarios qu'on peut dire. Mais laquelle qui va être laquelle, on ne sait pas. Même on le voit là en ce moment, c'est quasiment géré jour pour jour. Là, demain c'est quelque chose, puis après-demain, on ne sait pas vraiment si ça va être d'autre chose. Okay. Fait que l'hockey, là, je peux dire qu'on est loin un petit peu en ce moment. Là, c'est juste normal. Il y a d'autres sports là, d'été, soit le baseball, le football ou peu importe, ouais. Qui vont passer avant l'hockey en ce moment. Là. Ben, c'est sûr que le baseball n'est pas commencé encore. Le soccer n'est pas commencé encore. Mais il y a quand même des démarches parce que en région, c'est sûr qu'en région, c'est moins. Ils jouent moins de hockey l'été, mais à Montréal, là, ça joue hockey 12 mois par année. Là, fait qu'il devrait avoir des pressions aussi. Là. Exactement. Ben nous autres, qu'est-ce qu'on avait demandé, la Ligue GMS, on aurait voulu que ça soit que l'hockey soit géré un petit peu par la région et non par avec les règlements d'Hockey Québec et non par Hockey Québec. Tu comprends? Pour un an, là, chaque place fait l'hockey selon ce qu'ils vivent, là, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Tout le monde va être pareil, autant le scolaire que le suivi. Est-ce qu'il y a des démarches de fait? Parce qu'on les voit, les chiffres, là. C'est de 0 à 50 ans, je dirais qu'il n'y a pratiquement aucune chance de décéder. Est-ce que ça, on en fait état là-dessus? Non, absolument pas. On n'a aucun chiffre qui a été avancé dans ce sens-là. Absolument pas. Peut-être que du côté côté ministre, eux autres, peut-être qu'ils vont servir de ces chiffres-là, mais nous autres, avec la Fédération régionale, c'est vraiment pas ça. Là. On n'est vraiment pas dans les chiffres. C'est de savoir, parce qu'on... Tu sais, c'est... L'hockey, c'est pas des arts. Donc, les municipalités, les infrastructures, comment ils vont faire pour gérer ça? Il y a beaucoup d'intervenants là, dans le dossier. Là. Est-ce que, pour finaliser la saison, donc, qui est gagnant? Est-ce qu'il y a un champion? Non, ben il y a champion de saison. OK. Donc, les séries, on n'a pas. On avait les premiers matchs de jouer de demi-finale midget junior. Ouais. Donc, ça, c'est on oublie ça. C'est vraiment juste nos gagnants de saison. Okay. Fait que, puis là, l'année prochaine, ça va dépendre. On parle peut-être début d'année de saison à 5 contre 5, peut-être à partir de novembre, décembre ou 1er janvier. Okay. C'est ce que ça parle beaucoup là, en ce moment, là, les dates qui sont avancées. Nous autres, la Ligue GMS, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous, selon notre constitution, c'est l'RGA début d'année et fin d'année. Il faut que les équipes soient présentes sur place. Donc, nous autres, on a fait voter une manière qu'on va fonctionner vu à la situation du COVID, c'est qu'on va gérer vraiment le midget à part puis le junior à part pour faire des réunions assez rapides. Parce qu'il faut bouger rapide puis tout. Fait que souvent, quand il faut caler midget junior ensemble, c'est quasiment 2-3 semaines pour s'organiser avec la Côte-Nord. Fait qu'on va gérer le midget et le junior complètement séparés. OK. Donc, ce qui veut dire que du 3 contre 3, là, ça pourrait arriver. C'est des choses qui pourraient arriver, mais le 3 contre 3, je ne sais pas si les ligues, on va être appelés là-dedans. C'est beaucoup, moi, qu'est-ce qu'on a eu avec la fédération, c'est 3 contre 3, c'est les hockey mineurs qui vont gérer ça, ou le 4 contre 4, là, peu importe, selon la place. Puis ça peut être quartier avec quartier pour rendre tout plus facile là, pour un peu tout le monde. Les frères avec les frères, puis des choses comme ça. Là. Ouais. Les ligues, essayez plus de faire un peu des équipes égales, mais ça ne sera pas évident. Là. La distanciation sociale au hockey puis les contacts, ça, c'est très difficile. Là. On peut pas vraiment faire ça. Là. Non, ben c'est pour ça qu'il y avait 7 comités dans Hockey Québec pour apporter un peu toutes les idées. Même tu avais un comité du côté des officiels, parce que même les officiels, là, eux autres, le 3 contre 3, le 4 contre 4, comment ça va être géré? Fait que t'avais des hockey mineurs qui étaient représentés aussi régionalement, puis il y a des choses comme ça. Là. Toutes des bonnes personnes qui connaissent le hockey au moins. Là, okay. C'est vraiment. Mais c'était quand ça va-tu être écouté par la ministre ou Hockey Québec, aucune idée. Là. Est-ce qu'il y a une date est-ce qu'au moins vous savez une date où, parce que je sais que ça fait un peu fling-flang, il y a du monde qui ne savent pas vraiment, mais est-ce qu'il y a une date vraiment qui est fixée? Non, absolument aucune date en ce moment. On parle de début septembre. C'est parce que le hockey va être géré de la même manière pour Hockey Québec, le civil et le scolaire. OK. Fait que, vu la situation, peut-être, comme moi, j'ai proposé avec la Fédération régionale, c'est peut-être le temps de s'asseoir avec le scolaire et essayer de travailler ensemble là, d'une situation comme ça. Là. OK. Bien, on va suivre le dossier de ta période, Danny, puis je ne t'en pas. Dès qu'il y a quelque chose, on veut informer les gens. Oui, il n'y a pas de problème, Danny. Ça va nous faire plaisir, puis je te souhaite une belle été. Le président de la Ligue GMS, Danny Larouche.